pourrais me crever un œil avec un doigt, param, param, param, param. Tu pourrais faire pleurer un gnou avec ta voix, param, param, param, param. Tu pourrais lancer un yaourt sur un trois-mâts, param, param, param, param. Tu pourrais atterrir chez les fous avec moi, param, param, param, param. Mais quand bien même le soleil brille, je reste à l'ombre de tes oreilles et j'aime tant ton parfum vanille. Tu sais qu'il me rappelle que rien n'était pareil. Tu as déjà hurlé à mort envers l'an, padam, padam, padam, padam. Tu as déjà critiqué la gauche en dormant, padam, padam, padam, padam. Tu as déjà percuté un crabe au volant, padam, padam, padam, padam. Tu as aussi oublié d'éteindre en sortant, padam, padam, padam, padam. Et quand bien même le soleil brille, je reste à l'ombre de tes oreilles et j'aime tant ton parfum vanille. Tu sais qu'il me rappelle que rien n'est plus pareil. Oublions pour une fois les conventions, padam, padam, padam, padam. Les songeoirs au Népal, les hydravions, padam, padam, padam, padam. Passons en éclair jusqu'aux champions, padam, padam, padam, padam. Achetez du liquide vaisselle et du savon, padam, padam, padam, padam. Et quand bien même le soleil brille, je reste à l'ombre de tes oreilles et j'aime tant ton parfum vanille. Tu sais qu'il me rappelle que rien n'est éternel. Padam, padam, padam, padam, padam, padam, padam, padam, padam, padam, padam, padam, padam, padam, padam.